plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Chagrin.